الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, et louange à lui dans l'au-delà. Et c'est certes lui le sage et le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est certes lui le miséricordieux et le pardonneur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على غربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. والله évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ses bien-aimés, ses proches et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umur muhdathatuha وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Et la meilleure des voies et la meilleure des guidées à suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Toute innovation est égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 21e rencontre parmi les rencontres de notre noble série Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une noble série à laquelle nous sommes fidèles afin de parcourir ensemble les étapes que rencontrera le serviteur après sa mort. Une noble série qui rassemble la jurisprudence funéraire et l'attendrissement des cœurs. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours la septième cause parmi les causes du châtiment de la tombe, à savoir el-riba, la médisance. Nous avions ainsi montré par la grâce d'Allah et son soutien la définition de la médisance, ainsi que la punition qui attendait celui qui commettait ce grand péché. Et ainsi, nous avions affirmé que la médisance signifiait citer un défaut de son frère en son absence. Et de plus, nous avions affirmé et déclaré que l'organe essentiel et le plus responsable de cette cause du châtiment de la tombe demeurait la langue. Et notre sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, sera la huitième cause parmi les causes du châtiment de la tombe. As-sababu thamin min asbabi adhab al-qabr. Une cause qui est citée et une cause qui est évoquée dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, celui-ci a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le jour de Khaybar. Et Allah jalla wa ala nous a accordé une victoire éclatante. Mais nous n'avions pas récolté comme du pain, de l'or et de l'argent. Mais nous avions récolté de la nourriture et des vêtements, ainsi que d'autres biens. Puis, nous sommes allés vers une vallée, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec un esclave qui lui avait été offert par une personne venant de Juthem. Lorsqu'on s'installa dans cette vallée, l'esclave du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam commença à ouvrir ses bagages. Puis il reçut une flèche qui fut ainsi la cause de sa mort. Et là, les compagnons radiallahu anhum du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam commencèrent à le féliciter, car il était selon eux mort dans le sentier d'Allah et ainsi en tant que martyr. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam s'écria alors: non, walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, la cape qu'il a volée du butin est en train à ce moment même d'allumer un feu dans sa tombe. La cape qu'il a volée du butin est en train à ce moment même d'allumer un feu dans sa tombe. Car il s'était emparé de cette cape qui faisait partie du butin, et ce, avant que le butin ne soit partagé. Et là, les gens furent terrifiés d'entendre cela. Et une personne vint dire au prophète, alayhi salatu wassalam, et un fil ou deux fils le jour de Khaybar. Et alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit: ce sera un fil ou deux fils de feu de l'enfer. Cet homme ainsi était un serviteur. Cet homme travaillait pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cet homme accompagnait le prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme combattait dans le sentier d'Allah Azza wa Jal jusqu'à sa mort, et à un tel point que les gens les félicitaient, car pour eux, il mourut en tant que martyr. Mais c'est alors que le véridique sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, s'écria et leur dit: non, walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, la cape qui a volé du butin sans autorisation et avant que le butin ne soit partagé entre les gens, cette cape allume en ce moment même un feu autour de lui dans sa tombe. Et ce jusqu'à ce que les compagnons radiallahu anhum prirent peur. Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous a informé sur cette personne qui s'est approprié cette cape du butin qui s'enflamma sur lui dans sa tombe. Cet esclave aurait eu le droit de bénéficier de cette cape du butin, mais il s'est précipité en se l'appropriant sans autorisation. Alors que pensez-vous de celui qui vole quelque chose qu'il n'aura pas le droit de posséder en aucun cas? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, le vol, as-sariqa, constitue et représente une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Le voleur, ou bien celui qui s'approprie de quelque chose du butin sans aucun droit, est content et est fier de ce qu'il a fait, mais il ignore littéralement que la chose qu'il a volée sera elle-même la cause de son châtiment dans la tombe. Donc le vol constitue bel et bien une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et le vol s'est certes propagé à un tel point que la plupart des gens ont peur pour ce qu'ils possèdent et pour leurs biens. Ils ne sont ainsi pas tranquilles. Et ils ne sont tranquilles que lorsqu'ils ont bien caché ce qu'ils ont. Et que lorsqu'ils surveillent bien ce qu'ils possèdent comme bien. Le vol, mes chers frères et sœurs, est ainsi devenu une chose banale, à un tel point que les voleurs ont inventé un grand nombre de méthodes et de stratégies pour cela. Le vol, ayyuhal ahbab, possède plusieurs causes. Et parmi elles, la plus essentielle, l'affaiblissement de la barrière morale de la religion. L'affaiblissement de la barrière morale de la religion et le fait de ne pas se sentir contrôlé, surveillé et observé par le Seigneur de l'univers. Le vol, ayyuhal ikhwa, est devenu un art pour certains criminels, jusqu'au point où les meilleurs et plus nobles endroits de la terre n'aient pas été épargnés par ce vol, à savoir Buyut Allah Azza wa Jal, les maisons d'Allah Jalla wa Ala. Les mosquées n'en ont pas été épargnées, et à tel point que l'un d'entre nous a peur de se faire voler ses chaussures, son manteau ou ses vêtements. Et la preuve de la propagation du vol également, ce que l'on lit dans les journaux chaque jour, qu'ils ont dévoilé des véritables mafias de vol de toutes sortes. Une mafia qui vole des moutons et des animaux. Une autre mafia qui est spécialisée dans le vol de villas entières, ainsi que de maisons dont les habitants sont absents. Une autre mafia s'est occupée des voitures et des motos. Certains sont devenus professionnels, jusqu'au point de voler et de cambrioler des banques, voire des centres commerciaux et des boutiques et des bijouteries, etc. Et comme nous venons de vous le dire, nous remarquons même le vol dans les mosquées, où sont volées des chaussures, et où sont volés même des matériaux à l'intérieur de la mosquée, comme des enceintes de chenilles. Et il y en a même qui volent des caisses de sadaqat, des caisses d'aumône. Et ces personnes ne sont en vérité que de véritables traîtres, qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Et pour vous donner encore une autre preuve de sa propagation, nous pouvons même vous dire que même la mosquée sacrée et la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas été épargnées de ce crime. Et certes, peut-être avez-vous entendu le vol de pèlerins et le vol de ceux qui visitent les endroits sacrés. L'imam muslim rapporte, selon Jabir radiallahu anhu, le hadith de la prière de l'éclipse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on a fait venir l'enfer, c'est pour cela que vous m'avez vu en train de reculer, de peur que son souffle me touche. Et j'y ai aperçu la personne qui avait un bâton, avec un crochet au bout de ce bâton, en train de traîner ses intestins. Cette personne, mes chers frères et sœurs, possédait un bâton avec un crochet au bout de ce bâton. Que faisait-elle dans ce bas monde? Elle volait les pèlerins. Elle volait leurs biens. Et si la personne qui était volée s'en apercevait, elle lui disait que cela s'est accroché par hasard et malencontreusement au bâton. Et si la personne ne s'en apercevait pas, alors elle le volait. Et bien cette personne, ayyuhal ikhwa, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a aperçue dans l'enfer en train de traîner ses intestins avec le même bâton. De nos jours, ayyuhal ikhwa, nous avons entendu beaucoup de vols au niveau des mosquées, des voleurs de caisses d'aumône, ces caisses qui contiennent l'argent des musulmans, des caisses dont juste les responsables qui ont de la science et qui possèdent un regard lointain ont le droit d'utiliser l'argent. Et ces voleurs trahissent et volent cet argent que les gens ont donné, eux, pour obtenir la récompense d'Allah et son agrément. Et cet argent a peut-être été conçu et destiné à la construction d'une mosquée ou à son amélioration. Puis certains traîtres viennent s'emparer de cet argent illégalement et viennent l'extorquer. Mais ils ont oublié malheureusement que cette chose qu'ils ont volée allumera un feu dans leur tombe. Wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. La deuxième cause essentielle de la propagation du vol, ayyuhal ikhwa, après l'affaiblissement de la barrière morale de la religion, ainsi que le fait de ne pas se sentir observé et surveillé par Allah Azza wa Jal, est le manque ou l'absence d'une éducation musulmane correcte dans les foyers, et dans les écoles, et même dans les mosquées, et également l'absence du raisonnement et l'ignorance. Et la preuve de ce que nous affirmons est tout simplement le taux important de prisonniers dans ces pays occidentaux. Et la plupart de ces prisonniers sont d'origine arabe et africaine. Ce sont les fils de musulmans et ce sont les fils de cette communauté. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et si ceci nous prouve une chose, cela nous prouve qu'ils n'ont pas été éduqués sur le livre d'Allah Azza wa Jal, ni sur la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ainsi beaucoup de jeunes parmi les fils de cette communauté qui se sont spécialisés dans le vol. Ils sont ainsi connus dans le vol de voitures et dans le cambriolage de magasins et même peut-être de banques. Et ils sont même devenus professionnels pour parvenir à cambrioler des banques à l'aide d'armes. Et jeter un coup d'œil alors sur les statistiques des prisonniers et sur leurs taux. Cela représente et constitue une véritable honte et un véritable déshonneur à propos de nos enfants qui se sont impliqués dans ce crime. Une cause également de la propagation du vol, Les médias. Les médias qui ont ainsi joué un grand rôle de diffusion de cet acte répréhensible, qu'est le vol, en diffusant des films de crimes et des films de meurtres effectués par des mafias. Et le fait de ne pas contrôler les enfants qui regardent ces films, cela tente ces enfants en souhaitant refaire et réitérer ce qu'ils ont vu. Et ainsi l'un d'eux commence par voler de petites choses sans importance, telles des stylos et telles les affaires de son camarade de classe, puis il évoluera au fur et à mesure qu'il grandira dans ce crime jusqu'à ce qu'il vole les gens dans la rue et jusqu'à ce qu'il vole les gens dans les marchés. Et de plus, ayyuha l'ikhwa, certaines personnes se sont fait avoir par le diable Shaytan. Et ils ne volent que les non-musulmans en prétendant que ce sont des mécréants et que leurs biens sont licites. Et alors, ils se sont égarés en suivant leur passion. Et nous avons même entendu des gens qui prétendent être pieux en portant la barbe, mais en vérité, leur piété est vide. Ils volent alors les centres commerciaux et ils volent les grandes surfaces en cachant des produits dans leurs poches. Et ils osent prétendre que de toute façon, ce sont des mécréants et leur sang et leur argent ne sont pas sacrés et qu'ils sont autorisés et illicites. Et voilà une grande ignorance. Que leur sang et leurs biens sont autorisés. Mais mes chers frères et sœurs, sachez que ces gens-là font partie d'une secte et ils sont certes appelés At-Takfiriyoun. Ayyuha al-Ahbab, soyez prudents et méfiez-vous d'eux et n'hésitez pas à les dénoncer car ils donnent certes une très mauvaise image de l'islam et une très mauvaise image de cette religion de paix et de miséricorde. Ils ont fait du mal à leur religion avant d'avoir fait du mal et d'avoir touché leur communauté et eux-mêmes. Et il est donc formellement interdit de prendre l'argent d'un non-musulman, car son sang et son âme et son argent sont sacrés tant qu'il n'est pas en guerre avec nous. Et certes, quiconque s'autorise son bien méritera la punition et le châtiment d'Allah Azza wa Jal, même si ce voleur est un musulman. Ce musulman, au lieu d'apprendre à ce non-musulman et au lieu d'enseigner et d'éduquer le bon comportement et les bonnes manières, bien au contraire, il le vole. Jusqu'à ce que le non-musulman incarcère le musulman pour le mettre en prison, c'est ainsi le monde à l'envers. Et telle est malheureusement la situation de nos jeunes, sans exagérer. Sachez, mes chers frères et sœurs, que le vol contredit la foi sincère et véridique. Et certes, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Abi Hurayrat radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui commet la fornication ne possède pas une foi complète lorsqu'il la commet, et celui qui vole ne possède pas une foi complète au moment où il vole. Donc celui qui vole, sa foi, soit elle n'existe pas, soit elle est très faible. Car la foi véridique, et la foi sincère, et la foi complète empêchent la personne de voler. Et certains gens viennent jusqu'à voler les fonds publics et les biens publics, même si c'est une petite chose, puis ils viennent dire qu'ils volent comme la plupart des gens le font et que l'essentiel c'est de ne pas sortir les poches vides. Et certains vont jusqu'au trafic afin de détourner les fonds. Et si tu lui dis que ceci est interdit car c'est du trafic et du détournement du fonds des musulmans et des non-musulmans, il dément ce que tu dis. Et il fait comme si de rien n'était, alors que ceci représente un grand péché et alors que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui vole une petite chose. C'est pourquoi le voleur se doit d'être châtié dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Alors ô toi qui vole, ô toi dont la main a trahi, ô toi qui vole l'argent des gens, sais-tu que ces gens font des invocations contre toi? Et sais-tu que l'invocation de celui qui subit une injustice, il n'y a pas de voile entre elle et Allah? Ô toi qui t'empares des biens et des richesses des gens injustement, sais-tu que ce que tu as volé sera certes la source de ton châtiment dans la tombe? L'homme que l'on a ainsi cité auparavant, qui a volé une cape du butin sans autorisation, alors qu'il avait droit au butin, car il était sorti afin de combattre dans le sentier d'Allah. Il s'est ainsi précipité, sans autorisation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il est mort, en plus de cela, avec une flèche, dans une position de martyr, jusqu'au point où les compagnons l'a félicité, car il leur semblait qu'il était mort martyr. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit: non, walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, la cape qu'il a volée s'enflamme et allume en ce moment même un feu autour de lui dans sa tombe. Pourtant il est mort dans le sentier d'Allah. Alors que pensez-vous de ceux qui n'ont pas œuvré comme lui? Réfléchissez, mes chers frères et sœurs, avant de tendre la main à l'argent qui ne vous appartient pas. Et sachez que le vol, s'est propagé même entre les voisins et même entre les membres de famille. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit, le plus immense vol auprès d'Allah est de voler un mètre de terre. Vous trouvez deux personnes voisines dans la même terre ou dans la même maison, puis l'un d'eux vole à l'autre un mètre de terre en mettant une séparation ou en l'avançant pour gagner plus que ce qu'il a le droit afin de voler de la terre à son voisin. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, et Allah entoure ce maître par les sept terres le jour du jugement. Donc s'il vole un mètre de terre, Allah entourera ce maître par les sept terres et le mettra sur son cou, et Allah lui ordonnera de les porter le jour du jugement. Et dans le hadith authentique, rapporté par l'imam At-Tabarani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque vole un morceau de terre appartenant à quelqu'un avec une injustice, il rencontrera Allah en colère contre lui. Quiconque vole un morceau de terre appartenant à quelqu'un avec une injustice, il rencontrera Allah en colère contre lui. Et combien de gens fraudent? Et combien de gens détournent et corrompent des juges et des responsables et des avocats? Et cela afin de voler l'argent des gens et afin de réquisitionner leurs biens sans droit ni preuve. L'imam Ibn Hibban rapporte dans son recueil authentique selon Abi Humaydin As-Sa'idi radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit, il n'est pas autorisé aux musulmans de prendre un bâton à son frère sans autorisation et sans en avoir le droit. Un seul bâton, ayyuhal ikhwa. Alors qu'en est-il d'une terre? Et qu'en est-il d'une maison? Et qu'en est-il de vêtements? Et qu'en est-il d'argent ou d'autre chose? Un bâton n'est pas autorisé sans avoir l'autorisation et sans avoir le droit de le prendre. Et sachez que la personne qui sera la plus affichée et la personne qui sera la plus dévoilée le jour du jugement sera le voleur. Car il sera ressuscité de sa tombe avec ce qu'il a volé dans sa main. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Et alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. Viendra alors celui qui aura volé ne serait-ce qu'un œuf, et également celui qui aura volé une maison, et celui qui aura volé quelque chose, une mosquée, et celui qui aura volé une banque, et même celui qui aura volé un pays. Tout le monde portera ce qu'il aura volé sur ses épaules. Et ce sera la honte, et ce sera le déshonneur, et ce sera l'ignominie sur le regard de tout le monde. Puis ils viendront alors auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander son intercession. Et alors écoutez mes chers frères et sœurs, écoutez ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, que je ne vois pas l'un de vous le jour du jugement avec sur lui un chameau qui hurle puis me dire, Ya Rasulallah, sauve-moi. Je lui dirai, certes, je ne peux rien pour toi car je t'ai prévenu. Que je ne vois pas l'un de vous le jour du jugement avec sur lui un cheval qui hennit puis me dire, Ya Rasulallah, sauve-moi. Et je lui dirai, certes, je ne peux rien pour toi car je t'ai prévenu. C'est-à-dire que le voleur viendra le jour du jugement avec ce qu'il aura volé sur son épaule. Et il se dirigera et s'adressera au prophète, auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui dira, Ya Rasulallah, sauve-moi de ce qu'il m'arrive. Mais le Habib al-Mustafa, le bien-aimé l'élu alayhi salatu wassalam, lui dira, je ne peux rien pour toi car je t'ai fait le rappel et car je t'ai prévenu. Puis on ordonnera que cette chose volée ou dont il s'est approprié dans ce bas monde soit jetée en enfer. On ordonnera ainsi de jeter cette chose volée en enfer. Et alors écoutez bien ce hadith, rapporté avec une chaîne de transmission bonne selon Buraïda radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, la pierre sera jetée dans l'enfer jusqu'à ce qu'elle chute et qu'elle tombe pendant 70 ans sans atteindre le fond. Puis on amènera la chose qui a été volée et elle sera jetée dans l'enfer. Puis on dira à celui qui l'a volée, ramène-la, va la chercher. Comment pourrait-il la ramener? Comment pourrait-il la sortir de l'enfer, wal a'yadu billah? Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection, et alors à chaque individu on rétribuera pleinement sur ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés. Ainsi, mes chers frères et sœurs, craignez Allah Azza wa Jal et protégez vos mains des biens d'autrui, et éduquez vous-même ainsi que vos familles sur la protection des biens des autres, et surveillez-les, car il y a beaucoup de parents qui ne contrôlent pas et qui ne surveillent pas leurs enfants jusqu'au point où l'enfant ramène à la maison des choses volées sans que ne le sachent les parents. Donc contrôlez vos enfants et apprenez-leur à élever leur âme au-dessus de l'argent des autres. Car Iwallah, le taux des vols chez nos enfants est très élevé et nous ne voulons pas aller trop loin pour ne pas dévoiler certains. Car il se peut que ton fils, Ayyuhal Akh, il se peut que ton fils ait volé ses amis sans que tu ne le saches. Donc tu te dois de contrôler tout ce qu'il rapporte chez toi et le lui demander afin de l'éduquer et afin de lui enseigner la religion et afin de lui faire éviter le terrible châtiment de la tombe, Adabul Qabr, car en effet le vol est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, de nous préserver du châtiment de la tombe ainsi que de toutes ses causes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahda. Was salatu was salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez maintenant, le vol est bel et bien une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et là alors, il y a une question que se pose un grand nombre de gens. Est-il autorisé d'acheter quelque chose qui est volé? Alors la réponse, ayyuha al-ikhwa, est qu'il est strictement interdit d'acheter une chose volée. Et encore une fois, certaines personnes jouent l'ignorance et jouent l'inattention et alors trouvent des choses volées dans les marchés et osent dire: qu'est-ce que cela peut me faire, qu'elle soit volée ou non? Et alors nous lui répondons que cela est faux, car certes, si tu achètes quelque chose de volé, tu aides au péché et à la transgression. Et c'est comme si tu encourageais le voleur à voler le bien des autres. Et si quelqu'un nous dit: comment puis-je savoir si cette chose est volée ou non? Alors certes, cette question est naïve, car il est connu qu'une chose volée, son prix baisse avec les interdictions que l'on trouve chez le vendeur. Et car certes, Allah nous montre des indices sur le visage des voleurs. Mais si un voleur veut se repentir à Allah sur ce qu'il a commis, alors les savants ont dit qu'il faut obligatoirement qu'il rende ce qu'il a volé à son propriétaire. Donc le repentir seul ne suffit pas, mais il doit rendre absolument ce qu'il a volé à son propriétaire. Et s'il se trouve que le propriétaire est mort, dans ce cas, il faut le rendre à ses héritiers. Et tu dois faire des efforts pour le trouver. Et sinon, les savants ont dit qu'il faut donner ce bien que tu as volé aux pauvres, en ayant l'intention que ce que tu rends est pour la personne que tu as volé. Mes chers frères et sœurs, nous avons ainsi parlé par la grâce d'Allah Jalla wa Ala et son soutien pendant 8 discours à propos des causes du châtiment de la tombe. Asbabu adhab al-qabr. Et en ayant spécifié chaque discours par chaque cause, vu que les preuves dans ce sujet étaient nombreuses. Nous avions ainsi parlé du mensonge al-kadhib, du sommeil pendant la prière obligatoire, nawmu an as-salat, d'apprendre le Coran mais de le négliger, rafdul Coran, de la fornication azina, de l'usure al-riba, du fait de semer la discorde entre les gens par la langue an-namima, de la médisance al-riba, et enfin du vol al-sariqa, et également du fait de ne pas prendre garde de se souiller par l'urine. Mais sachez qu'il n'y a pas que ces causes-là qui entraînent le châtiment de la tombe, comme nous le dit al-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Et bien au contraire, le châtiment de la tombe a d'autres causes, car Allah Jalla wa Ala châtie la personne sur les péchés commis par son cœur, ainsi que par sa langue, ainsi que par ses yeux, et par ses oreilles, et par ses pieds, et par ses mains, et par ses parties intimes, et son ventre, et d'autres. Puis l'imam Ibn al-Qayyim prononça des paroles très précieuses et de qualité dans son livre Ar-Ruh, et il nous dit, Rahimahullah, et puisque la plupart des gens sont comme cela, la plupart des gens sera châtiés, et ceux qui seront sauvés seront très rares. Donc lorsque tu vois les tombes, tu remarques et tu constates que leur apparence n'est que de la terre, mais leur intérieur ne renferme certes que des problèmes et des châtiments. Ces apparences de terre et de pierre gravées, Iwallah, ces tombes ont rappelé les gens par tous les moyens, jusqu'à ce qu'elles n'aient rien laissé comme moyen pour les autres prêcheurs. La tombe a appelé les gens qui ont rempli le monde d'ici-bas en leur disant, vous avez rempli votre demeure d'ici-bas, alors que vous allez vite voyager vers un autre monde. Vous avez détruit votre demeure d'ici-bas, alors que vous allez voyager vers une autre demeure. Puis il dit, Rahimahullah, ce bas monde est une réserve d'œuvres et une terre de grains, mais la tombe n'est une demeure que de passage, et elle est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un abîme parmi les abîmes de l'enfer. Donc il y a d'autres causes du châtiment de la tombe qui ont été citées d'une façon générale. Et on aura alors cité dans ces discours quelques causes qui ont été soit bénéfiques pour certains et non bénéfiques pour d'autres, utiles pour certains et inutiles pour d'autres. Car nous avons certes entendu des gens dire que l'imam exagère un peu, ou bien que l'imam ne vit pas à son époque. Et certains disent, pourquoi nous parle-t-il que des tombes et de la mort? N'a-t-il trouvé que ce sujet? Et alors nous leur répondons que certes celui qui te rassure dans le monde d'ici-bas te fera peur dans l'au-delà. Et celui qui te fait peur dans ce bas monde te rassurera dans l'au-delà. Et nous ne sommes pas des gens qui éduquons la communauté sur la croyance, sur Aqidatil Irja. Ceux qui prétendent que l'on peut faire ce que l'on veut. Inna Allah Ghafur Rahim. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. La. Inna Allah Shadidul Iqab. Allah est sévère en châtiment, ayol ikhwa. Et Allah nous questionnera, nous, sur cela, lorsque nous serons debout devant lui. Car nous sommes menacés, mes chers frères et sœurs, par le fait de cacher la science. Donc nous sommes obligés de démontrer cela. Et nous profitons alors pour passer ce message à tous ceux qui critiquent cette série. Et nous leur disons ainsi que cette série continuera et que nous poursuivrons cette série et qu'elle dépassera bi'idhnillah les 30 discours. Car nous venons de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons uniquement parlé de l'enterrement du mort et du châtiment de la tombe. Mais il reste encore les petits signes du jour du jugement et les grands signes du jour du jugement, puis les étapes du jour du jugement, comme la résurrection et la balance et le pont et la première chose dont le serviteur sera jugé, la première personne qui rentrera en enfer et le premier groupe qui rentrera au paradis, la dernière personne qui rentrera au paradis et beaucoup d'autres sujets. Et ainsi, ayyuhal ikhwa, celui qui désire bénéficier, il n'a qu'à y assister. Mais si c'est le cas contraire, alors il y a beaucoup de mosquées, ayol ikhwa. Et tu ne peux assister chez quelqu'un dont tu n'es pas convaincu pour une raison ou pour une autre. Alors n'y assiste pas, car tu y perds ton temps et tu ferais mieux d'aller chez une autre mosquée. Mais d'y assister, puis de critiquer, cela est de l'hypocrisie. Ayol ikhwa tul kiram, nous venons ainsi de parler des châtiments de la tombe, et ceci est encore peu parmi beaucoup. Ceci est très peu de ce que nous avons décrit comme châtiment de la tombe, parmi ce qui se passera en réalité dans la demeure intermédiaire. Et ainsi, après avoir enterré le mort, et après avoir refermé sa tombe, il sera certes dans le monde intermédiaire jusqu'au jour du jugement, et il sera alors soit dans les délices et les faveurs, heureux et comblé de bienfaits, et on vous a certes cité les causes du bien-être dans la tombe, ou soit il y sera châtié s'il commet une des causes parmi les causes du châtiment de la tombe. Et ceci, mes chers frères et sœurs, jusqu'au jour du jugement. Et ce même jour du jugement est précédé par des signes que les savants ont divisés en deux catégories, les petits signes et les grands signes. Et les petits signes ont été également divisés en deux, les petits signes qui ont déjà eu lieu et les petits signes qui ne sont pas encore arrivés. Et lorsque les petits signes arriveront, les grands signes les succéderont, puis on soufflera dans la trompe et les gens se tiendront debout devant les seigneurs de l'univers afin que chacun soit récompensé